إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. L'épisode d'aujourd'hui est dédié à ceux et celles qui ont des soucis, des malheurs. Au malheur et à ceux qui ont perdu des êtres chers. En effet, la vie de la personnalité dont on va parler est émaillée par une série d'épreuves et de grâces. Mais c'est aussi un exemple de patience, car le mois de Ramadan est le mois de la patience. Ainsi, je demande donc à tous ceux et celles qui passent par des moments difficiles de faire preuve de patience, car l'adversité est une des lois de la vie. Comme le rappelle le verset du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله يقول ألف لام ميم. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans qu'on les mette à l'épreuve? Certes, nous avons éprouvé ce qui était avant eux. Et ainsi, Allah sait ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Les prophètes depuis Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont été éprouvés, ainsi que tous les êtres humains. La personne dont nous allons parler aujourd'hui a un rang très élevé. Déjà compte tenu de sa famille, mais aussi de sa parenté. Et pourtant, elle a dû endurer des épreuves beaucoup plus nombreuses et importantes que vous et moi, mes chers frères et sœurs. Elle a fait partie des tabi'in. Donc nous pouvons tout à fait suivre son exemple. Il s'agit de la première femme dont nous allons parler dans notre programme et dans notre série. Elle n'a pas subi quelques épreuves disparates, mais des vagues d'épreuves. Et à l'issue de chaque vague, elle faisait preuve d'une incroyable générosité et de don de soi, au lieu de se lamenter sur son sort. Elle nous donne ainsi une réelle leçon de vie. C'est la première petite fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a plusieurs surnoms, tels que la mère des volontés, la mère des personnes âgées, ou celle qui a consulté, et la mère de Hashim, en référence à son aïeu Hashim, yani son arrière-arrière-grand-père, qui est connu pour sa générosité. Elle est la sœur d'Al-Hassan et Al-Hussein. Son père est donc Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et sa mère Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme est donc Zainab bint Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Commençons son histoire par sa famille, qui est très noble. Son grand-père maternel est donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et son grand-père paternel est Abu Talib, qui a soutenu et défendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa grand-mère maternelle est Khadija bint Khuwaylid, la première femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sa grand-mère paternelle est Fatima bint Asad, que le prophète alayhi salatu wassalam considérait comme sa mère, car c'est elle qui l'a élevée. Ses tantes sont Zainab, Ruqayya, Umm Khaltoum, les filles du prophète alayhi salatu wassalam. Son oncle paternel est Ja'far ibn Abi Talib, qui mourut en martyr. Vous constatez donc sa noble lignée. Nous allons remonter à une période bien avant sa naissance, celle de sa grand-mère Khadija, dont elle a hérité les principaux traits de caractère. Notre mère Khadija réunissait trois qualités essentielles. Elle était une mère d'une grande tendresse et d'une grande affection, une excellente éducatrice, et elle se montrait d'une force incroyable, lui permettant de surmonter toute épreuve. Le couple prophétique eut quatre filles. Zainab, qui était l'aînée, qui veut dire littéralement la douce senteur. Ensuite, Ruqayya. Ensuite, Umm Khaltoum. Et la quatrième, Fatima. Fatima était celle qui ressemblait le plus à sa mère et à son père. Elle jouait d'ailleurs le rôle de mère de famille, malgré le fait qu'elle était la plus jeune. Quand Khadija était sur le lit de mort, Jibril descendit du ciel et dit au prophète alayhi salatu wassalam, « Ya Muhammad, fais parvenir à Khadija le salut de la part de son Seigneur et annonce-lui le paradis, et annonce-lui au paradis une maison de perles et de rubis où il n'y aura ni chahut ni fatigue. » Elle répondit au messager d'Allah alayhi salatu wassalam en disant, « Il est le salut de lui, il est le salut et de lui vient le salut. » Allahumma anta salam wa minka salam. Et le salut sur Jibril. Elle mourut à l'âge de 60 ans. Et ce fut sa fille Fatima qui prit la relève pour s'occuper de son père, car ses sœurs aînées étaient déjà mariées. Et donc elle devait allier à sa douceur une grande force morale, car le prophète alayhi salatu wassalam passa par des moments très difficiles. Et elle les vécut à ses côtés. Par la suite, elle se maria avec Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Et ils enfantèrent qui ? Al-Hassan et Al-Hussein, dont nous avons parlé dans nos précédents épisodes. Et donc, les deux premières années de leur mariage, ils ont eu ces deux-là. Cependant, la troisième année fut tragique, car les trois sœurs de Fatima décédèrent. Si vous avez perdu des êtres chers, faites preuve de patience. Et rappelez-vous les malheurs du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que le hadith Qudsi qui dit, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ma récompense pour mon serviteur croyant, si j'ai pris à moi son cher et tendre, ou son être cher, parmi les habitants de la terre, et qu'il a fait preuve de patience et de retenue, ne sera rien de moins que le paradis. D'ailleurs, Zainab, la sœur aînée de Fatima, décéda alors que celle-ci était enceinte de son troisième enfant. Lorsqu'elle mit au monde une jolie petite fille, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut extrêmement heureux. Et il lui donna le prénom de sa fille qu'il venait de perdre. Une fois, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait dans sa prière, ses petits-fils, Zainab, Al-Hassan, Al-Hussein, pendant qu'ils étaient en train de jouer, grimpèrent sur son dos, hein, en jouant. Alors le prophète alayhi salatu wassalam prolongea longtemps sa prosternation, au point où Fatima fut inquiète. Et lorsqu'il finit, elle lui demanda s'il souffrait de quelque chose. Il lui dit non, je voulais juste les laisser s'amuser. Allahu Akbar. Quelle spontanéité, quelle simplicité de la part de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Zainab a pu bénéficier en plus de la tendresse du prophète alayhi salatu wassalam, de la chaleur qui régnait dans le foyer familial. En effet, une des meilleures façons d'éduquer ses enfants est d'aimer leur mère. Les enfants souffrent énormément lorsque le père crie sur la mère ou bien la maltraite. Ali ibn Abi Talib exprimait son amour envers Fatima à travers plusieurs poèmes galants qui parvinrent jusqu'à nous. Et ce climat serein permettra à Zainab de s'armer solidement pour affronter les difficultés qu'elle rencontrera tout au long de sa vie. Je souhaite que tous les enfants puissent avoir la même chance que Zainab. C'est un message ici que j'adresse aux parents. Évitez de vous disputer devant les enfants. Évitez, surtout comme à notre époque, c'est subhanallah, c'est devenu courant, évitez de divorcer pour des choses futiles. Pourquoi ? Parce que cela perturbe profondément la stabilité et l'équilibre des enfants. Offrez-leur un environnement sain, un environnement qui leur permettra de forger une personnalité équilibrée. Ceci étant dit, dès l'âge de 7 ans, Zainab va connaître sa première vague d'épreuves. Tout d'abord, la mort de son grand-père Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, sa mère Fatima commença à faiblir et à maigrir énormément jusqu'à mourir 6 mois après le décès du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Lorsqu'elle agonisait, elle lui laissera des recommandations. Elle lui dit: oh Zainab, Al-Hassan et Al-Hussein sont plus âgés que toi, mais sois une mère pour eux. Ton grand-père, le prophète alayhi salatu wa sallam, est mort. Alors sois une mère pour la nation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces recommandations étonnantes sont le reflet des personnalités de Fatima et de sa mère Khadija. Zainab s'est vue alors tout à coup mûrir et grandir, car elle avait désormais de lourdes responsabilités sur les épaules malgré son jeune âge. Ainsi, on attribua les deux premiers surnoms à Zainab alors qu'elle n'avait que 10 ans, celui de la mère des personnes âgées, et également la mère de Hashim, Umu Hashim. En effet, elle cuisinait de grandes quantités de nourriture et elle invitait les pauvres et les malheureux à venir manger. Elle exécuta finalement les vœux de sa mère défunte. Qu'en est-il de nos jeunes filles aujourd'hui? Qu'en est-il de nos jeunes filles actuellement? Qu'en est-il de nos jeunes filles et du travail humanitaire? Que faites-vous pendant l'été? Zainab fut la pionnière du travail bénévole et humanitaire dans le monde musulman. En grandissant, elle augmenta considérablement dans la cadence. Quand elle atteignit la vingtaine d'années, elle fit construire la première maison d'accueil pour les personnes âgées, ainsi que le premier orphelinat. Wallahi, les koufars ne nous ont rien appris. Que ce soit en termes de législation ou bien en termes de social, en termes de civilisation, en termes de société, en termes de morale, les koufars ne nous ont rien appris, wallahi. Et comme je l'avais dit précédemment, la génération des tabi'in a initié de nombreuses institutions de la civilisation islamique. Zainab est donc un exemple à suivre pour toutes les femmes qui veulent servir leur communauté. Ensuite, Zainab s'est vu rajouter un autre surnom, celle qui est consultée. Pourquoi? Parce que Ali ibn Abi Talib, ainsi que ses frères, ne prenaient aucune décision importante sans la consulter. A tel point que lorsque Ali devint calife des musulmans et que les problèmes commencèrent à surgir en Irak et en Syrie, ce fut Zainab qui lui conseilla d'aller s'installer à Koufa. Elle lui dit qu'il ne fallait pas rester loin de la zone des conflits. Zainab s'approchait alors de la trentaine et elle avait développé un sens aigu d'analyse. Après l'assassinat de Ali, elle conseilla à Al-Hassan, qui était devenu alors calife, de renoncer au pouvoir en faveur de Muawiyah, car un affrontement terrible allait les opposer. Et Al-Hassan n'était pas en mesure de remporter la victoire. Alors elle lui dit une parole pleine de sagesse: cette terre n'est pas la tienne. qui d'entre vous consulte les femmes? Qui consulte les femmes de nos jours? Qui sollicite sérieusement, et pas seulement en apparence, l'avis de sa mère ou de sa femme? Le hadith qui supposerait qu'il faut consulter les femmes puis les contredire est totalement faux, car cela n'a aucun sens. Le prophète ﷺ lui-même consultait ses femmes. La femme a été vraiment honorée dans notre religion. Et avant le départ de Ali à Koufa, Zainab se maria avec son cousin Abdallah ibn Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu. Mais avant de conclure le mariage, elle lui posa comme condition qu'il la laisse accomplir les deux vœux de sa mère qui était morte. Le couple accompagna alors Ali ibn Abi Talib et s'installa à Koufa. Abdallah ibn Ja'far y exerça le commerce et il a pu, par la grâce d'Allah, s'enrichir considérablement. Zainab lui demanda alors de lui financer une maison d'accueil pour les personnes âgées et pour les pauvres dans la ville. Ce fut donc la deuxième maison qu'elle ouvrit après celle de Médine. Nous aurions aimé voir des centaines de maisons d'accueil et d'orphelinats ouvrir au nom de Zainab bint Ali ibn Abi Talib. Il nous faut vraiment travailler et cesser de vivre pour nous-mêmes. Travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala. Zainab resta dans la ville de Koufa. La seconde vague d'épreuves arriva alors qu'elle était âgée de 35 ans. D'abord, son père va mourir assassiné. Elle l'avait pressenti la veille. Elle l'avait pressenti la veille de sa mort car elle entendit dire des vers de poésie pour se préparer à affronter la mort et à quitter la vie sur terre. Et effectivement, il fut assassiné lors de la prière de l'aube. Et on lui ramena la dépouille de son père, Ali ibn Abi Talib, à la maison. Elle revint par la suite à Médine en compagnie de son époux, ses enfants et ses deux frères. 6 mois après leur retour, ce fut au tour de son frère Al-Hassan de décéder. C'est donc un message à tous ceux qui ont vécu des épreuves difficiles à travers la maladie, à travers la perte d'enfants. La perte d'enfants, qu'y a-t-il de plus cher que de perdre la chair de sa chair? Soyez patient. Soyez patient comme le fut Zainab. Car c'est la vie et la vie est faite d'épreuves et de tourments. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الله سبحانه وتعالى dit: nous vous éprouverons certes par un peu de peur, par un peu de peur, de faim, de diminution de biens et de personnes. Et la diminution de fruits. Et fait la bonne annonce aux patients. Ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent: nous appartenons à Allah et à Allah nous retournerons. Cela ont les prières de la part de leur Seigneur ainsi que la miséricorde. Et ce sont eux qui réussiront. Après la perte de son père et de son frère, Zainab resta fidèle à son pacte, fidèle à elle-même. À savoir, elle continua à œuvrer pour venir en aide aux pauvres et aux nécessiteux, à faire don d'elle-même pour la nation islamique. Car le plaisir de donner est infiniment plus beau que celui de recevoir. En donnant, on fait disparaître la fatigue morale. Si vous êtes perturbé, il suffit de donner aux autres ou bien d'aller dans un bidonville pour oublier votre propre souci. La troisième vague d'épreuves se produit lorsque son frère Al-Hussein décida d'aller à Karbala. Abdallah ibn Ja'far, le mari de Zainab, choisit de ne pas participer à l'expédition. Mais il autorisa sa femme Zainab à accompagner son frère, en prenant avec elle leur fils Ali. Car Zainab et Ja'far avaient eu trois enfants qui s'appelaient Mohammed, Fatima et Ali, en mémoire aux êtres chers qu'elle avait perdus. La bataille de Karbala fut décrite dans l'épisode d'Al-Hussein dont nous avons déjà parlé. Les 72 hommes qui l'accompagnaient ont dû affronter une armée de 4000 soldats le 10 de Muharram. La veille de la bataille, elle alla retrouver son frère dans sa tente. Et celui-ci lui dit, « Oh Zainab, si jamais je meurs demain, il faudra que tu demandes à ma famille, ainsi qu'aux musulmans, à Médine et à la Mecque d'être patients. » Après avoir entendu cette parole-là, elle s'effondra en larmes. Puis elle dit, « Ma mère est morte, ainsi que mon grand-père, mon père et mon frère. Alors, ne m'afflige pas toi aussi. Je donnerai mon âme pour toi. » Subhanallah. Al-Hussein lui répondit, « Nous sommes tous morts. Sache que les gens sur terre meurent et que les êtres du ciel ne restent pas non plus. » Il ne subsistera que la face de ton Seigneur. Le jour de la bataille, il dut rester dans sa tente pour allaiter Zayn al-Abidin, le fils de Hussein, qui était souffrant. Mais son fils Ali accompagna son oncle quand la bataille commença. Les flèches leur parvinrent de toutes les directions. Alors Zainab se mit à crier de toutes ses forces. « Comment pouvez-vous tuer le fils de la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ?» Après, elle ne cessait de répéter les vers qu'on peut traduire en ces termes. « Ô peuple, je crains pour vous le jour de l'appel mutuel. » Le jour où vous tournerez le dos en déroute sans qu'il y ait pour vous de protecteur contre Allah. Mais subhanallah, pendant qu'elle était en train de crier, son fils Ali était en train d'agoniser. Et avant de mourir, il appela son oncle pour qu'il vienne le secourir. Mais Al-Hussein arriva trop tard. Il prit Ali dans ses bras et se mit à pleurer en se lamentant. Il ramena ensuite le corps inanimé à sa mère Zainab. Et quelques minutes plus tard, ce fut au tour d'Al-Hussein également de rendre l'âme. Est-ce que vous pouvez imaginer le degré de malheur qu'elle a dû endurer? Après toutes les épreuves qu'on vient de citer, elle perd son fils, son frère au même moment. Comment est-ce qu'on peut comparer cela à nos propres soucis? À la fin de la bataille, les corps furent ramassés et Zainab fut ramené chez lui. Et Zainab fut ramené chez celui qui tua Al-Hussein. Et celui-ci n'était autre que Ibn Ziyad. Malgré son immense chagrin, elle se mit debout avec une allure très fière, en tenant Zayn al-Abidin dans ses bras. Ibn Ziyad lui dit alors, « Tu as vu ce que j'ai fait à ton frère ?» Mais la réponse de Zaynab fut saisissante. Elle lui dit, « Sache, ô Ibn Ziyad, que la vie n'est qu'un seul jour, tandis que le jour de la résurrection dure 50 000 ans. » Allahu Akbar. Et elle lui rappela les versets où Allah subhanahu wa ta'ala elle dit, قال الله سبحانه وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets, et il dira, combien d'années êtes-vous resté sur terre? Ils diront, nous y avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. Interroge donc ceux qui comptent. Et il dira, vous n'y avez demeuré que peu de temps, si seulement vous saviez. Puis elle continua, et tu te mettras debout ainsi que le Hussein, entre les mains du Seigneur, Azza wa Jal. Sache également que, lorsqu'on ramène le plus malheureux des hommes, et qu'on le plonge quelques instants dans le paradis, puis qu'on lui demande s'il a vécu quelques malheurs, il répondra non, je jure que je n'ai jamais vécu de malheur. Et que lorsqu'on plonge le plus heureux des hommes dans l'enfer quelques instants, puis qu'on lui demande s'il a déjà vécu un bonheur, il répondra non, je jure que je n'ai jamais vécu aucun bonheur. Et elle conclut en disant, qu'en est-il alors pour toi? Alors que tu es le plus malheureux des hommes sur terre et le plus malheureux des hommes dans l'au-delà. Je vois que tu fais partie de ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala parle en disant Khasirat dunya wal akhira, perdant ainsi l'ici-bas et l'au-delà. Abu Ziyad devint fou de rage et il lui rétorqua, mais j'ai quand même tué ton frère. Yani, il voulait lui faire mal, subhanallah. Il se vantait, il s'est vanté d'avoir tué le petit-fils de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui répondit calmement, quant à moi, je reste patiente. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, certes, les endurants auront leur récompense sans compter. Alors cette parole d'Allah me suffit. Et il me suffit que je ne sois pas soumise au jugement le jour de la résurrection, tandis que tu te tiendras servilement entre les mains du Seigneur. Quelle force de caractère, quelle force de caractère chez cette femme. Abu Ziyad ordonna qu'on lui ramène l'épée pour tuer l'enfant qu'elle tenait dans ses bras. Il lui demanda, qui es-tu? L'enfant répondit, je suis Zayn al-Abidin, le fils de Hussein ibn Ali. Il lui demanda alors, pourquoi n'as-tu pas été tué avec ton père? Il lui dit, parce que j'étais malade. Il ordonna alors qu'on le tue. Cependant, Zaynab l'entoura de ses bras et s'exclama, je jure que l'épée ne passera pas par son corps avant de passer par le mien. Abu Ziyad prit peur. Il les envoya en Syrie chez le calife Yazid ibn Muawiyah. Ce dernier se mit à pleurer en les voyant. Et il jura qu'il ne savait pas qu'il en serait ainsi et qu'il n'y était pas du tout consentant. Alors le calife les renvoya par la suite à Médine où ils furent reçus par les habitants en pleurs. Son mari Abdallah ibn Jafar pleurait. Lui aussi, énormément de la mort de son fils. Elle essaya en vain de le consoler. Puis elle lui dit, laisse-moi te rappeler le hadith de mon grand-père, sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque sera atteint de chagrin ou de soucis et dira, ô Seigneur, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur et de ta servante. Mon toupet est entre tes mains. Ton jugement s'accomplit sur moi. Ton décret sur moi est juste. Par les noms qui t'appartiennent avec lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans ta science de l'inconnu, je te demande de rendre le Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la fin de mes soucis. Celui qui dit cette phrase verra Allah faire disparaître son chagrin et le changer par la joie. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dirent, certes, celui qui les entend doit les apprendre. Allahumma inni abduka wabni abdika wabni amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Après la mort d'Al-Hussein, Zainab était aperçue la plupart du temps en train d'invoquer et d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Également, elle n'arrêtait pas de raconter aux gens de Médine ce qui lui arriva et comment son frère fut tué. D'ailleurs, comme elle était la seule rescapée avec Zain al-Abidine, son témoignage est le seul qui nous est parvenu. Et ceci inquiéta le calife Yazid, qui redoutait une nouvelle révolte. Il envoya alors son mari, lui ordonnant de quitter Médine avec sa famille, vers la destination de leur choix. Alors ils partirent alors en pleurant. Et après Koufa, Karbala, la Syrie et l'Irak, ils étaient alors encore une fois obligés de s'en aller, loin de leur ville. Et ce qui constitue une rude épreuve en soi. Ils se dirigèrent alors vers l'Égypte. Ils reçurent un accueil des plus chaleureux par les milliers d'Égyptiens qui vouent un grand amour pour la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils offrirent à Zainab une grande maison pour qu'elle puisse y vivre. Mais elle se contenta d'une seule chambre et consacra le reste à l'accueil des personnes âgées, ainsi que les pauvres et les démunis. Elle avait alors 52 ans. Elle vivra une année en Égypte avant de décéder et d'y être enterrée selon la plupart des dires. Jusqu'à nos jours, elle reste très appréciée par le peuple égyptien. Elle fait partie des Tabi'in selon la plupart des savants, malgré le fait qu'elle soit née durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci parce qu'elle n'avait pas atteint l'âge de la puberté avant la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et ici, pour conclure, j'aimerais répéter le verset que j'ai déjà cité tout à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat al-Baqarah: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens et de personnes, ainsi que de fruits, et fait la bonne annonce aux patients, aux endurants. Ceux qui, lorsqu'une épreuve les atteint, ils disent: nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-ci ont les prières de la part de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ce sont eux qui réussiront. ونكتفي على هذا القدر وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.